c'est fou dans vos oreilles. 81. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit Émilie Gauthier avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi ?» Et on accueille notre nouvelle chroniqueuse littéraire, Marie-Pierre Laforge-Bourret. Assemblage requis, ça commence maintenant. On surveillait notre manière de parloge. De parloge. Parce qu'on a quelques littératures aujourd'hui, donc on va bien parler. On va essayer au moins. Aujourd'hui à l'émission, vous l'avez entendu, ben premièrement, bienvenue. Hein, je veux dire, à un moment donné, Assemblage requis, c'est quoi si c'est pas une présentation d'émission et ensuite un paquet de musique pendant qu'on parle pas et qu'on prépare des choses qu'on va envoyer plus tard dans l'émission? C'est quoi sinon? C'est du bonheur en canne. Ah, d'accord. Est-ce que toi, ton ouvre-boîte ce matin, François? Ben oui. À chaque matin, écoute, c'est ce qui se passe quand je mets le pied par terre. C'est dans ta poche. Donc. C'est ce qui se passe. Ah, tu piles dessus. C'est ça. Toi, dans l'intro, c'est toi qui fais plein de gaffes et tape des balles. Et Colin, François. Tu m'avais pas dit ça. Donc, bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 5 avril 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Et aujourd'hui, à l'émission, on a plusieurs choses à faire. On a Émilie Gauthier, évidemment, avec sa chronique plein air, veux-tu sortir avec moi. Aujourd'hui, elle nous parle de plein de choses qui lui ont été conseillées par ses amis. Bon, c'est comme une ligne ouverte de suggestions d'endroits où sortir. Apparemment, des endroits où il y a encore de la neige. Oh! Certaines places. Ça commence à être rare, là. D'or et rare. D'or et en canne. Voilà. Alors, on a aussi notre nouvelle chroniqueuse littéraire, Marie-Pierre Laforge-Bourret. Elle va nous parler de livres. Un livre? Oui. C'est tout ce qu'on sait, de livres. Parfait. On ne sait pas encore lequel. On va aussi parler avec quelqu'un d'autre vers les 7h30, n'est-ce pas, François? Oui, tout à fait. On va parler d'un spectacle d'humour qui va avoir lieu au Cégep, ici même, à la salle de spectacle du Cégep de Trois-Rivières. Uh-huh. Donc, c'est fait avec des étudiants de l'UQTR. Voilà, donc, gros plan pour l'émission d'aujourd'hui. On commence, par contre, en musique avec quelque chose qui va peut-être te stresser. Tu sais, il y en a qui disent que dans l'intro, l'alarme de feu peut être un petit peu stressante dans notre intro ici à Assemblage Requis. D'autres gens vont peut-être trouver ça stressant. Je vous laisse décider par vous-même. Moi, j'adore ça. We Are Enfants Terribles. L'album s'appelle Explicit Pictures. Voici Make You Laugh. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Je laisserai les marées basses me raccompagner jusqu'à chez moi. J'implorerai le temps qui passe de cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit, pas l'hiver. La nuit est vieille et périssable, elle est inflammable. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma. Chez elle, à me regarder mourir de honte. Il y a à boire et à fumer mes îles. Il n'y a rien à croire. Une tumeur, médaille d'or, a dévoré mes espoirs olympiques. Je n'ose plus sortir dehors. J'ai peur de m'y perdre encore. Ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Peter, Peter et la pièce Oma à Assemblage requis sur C'est fou 89.1 FM sur l'album qui se nomme De fait même, Peter, Peter. Aussi. C'est très bon, j'aime beaucoup ça. Ah oui? Oui. Arrête-moi dans ça, toi. T'as dit. T'aimes la musique qu'on joue à l'émission, qu'on anime toi et moi. Ouais. Eh ben, c'est logique. C'est quelque chose, oui, c'est très logique. Puis juste avant ça, on a entendu The Sounds avec Queen of Apology. Mm-hmm. C'est bon, ça aussi. Oui, The Sounds qui sort un nouvel album. Oui, effectivement, que j'ai su ce matin et qui sortait le 29 mars dernier. Oh. Donc, ça fait quand même un petit bout, mais en fait, je serais curieux d'entendre le dernier album. Il faudra en jouer ici à l'émission, François. Pas trop dur à trouver, ça, le nouvel album de Sam. Ouais, c'est ça. Il faudrait payer pour aussi. Il faudrait aussi, éventuellement. Hey, Mathieu Plante, hein? C'est oui. Ça ton nom? François-Olivier Marchand, oui. Oui, merci. Oui. On reçoit présentement Marie-Guillaume. Bonjour, madame. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous aussi? Oui, ça va très bien. Merveilleux, merveilleux. Donc, vous venez nous parler, en fait, d'un spectacle qui aura lieu à la salle de spectacle du Cégep de Trois-Rivières. C'est exact, oui. C'est quoi, en fait, le spectacle? Ben, dans le fond, c'est un spectacle d'humour avec un comédien qui s'appelle Serge Baril. Ce monsieur-là, il y a 2 ans, avait fait un spectacle pour nous dans le cadre d'un projet au Cégep. Ça avait vraiment fait un franc succès. Donc, nous, on a décidé de recommencer l'événement. Mais cette fois-ci, pour ramasser, ben dans le fond, les fonds seraient ramassés là, pour, dans le fond, aider les élèves du DECBAC à se rassembler pour fêter la fin de leurs études. Fait que, dans le fond, c'est le même genre de spectacle, sauf que la programmation va être différente, le matériel va être différent. OK, mais là, c'est ça. Vous avez dit, Serge Baril, en fait, qui est un comédien qui présente un spectacle, mais on peut s'attendre à quoi? C'est un spectacle... C'est un spectacle d'humour. Okay. Dans le fond, son matériel, c'est plus sur la relève de demain, les jeunes d'aujourd'hui, au travers personnel un peu. Là. Okay. Puis ça rejoint pas mal, justement, notre groupe d'âge. Là. C'est pas mal de l'humour sur... Actuel, quand même. Exactement, oui, c'est ça. Fait que la dernière fois qu'il a fait son spectacle, ça avait vraiment fait un franc succès, comme je dis. Fait que nous autres, on pense que ça va donner quelque chose de vraiment potable. Non, mais le premier spectacle, est-ce que c'est vous qui l'aviez organisé? Oui, avec Émilie Charette. Okay. Exactement. Ouais, puis justement, ça va attirer, je pense, 200-300 personnes. C'était, c'était quand même assez majestueux. Quand même. Et puis, c'est ça, vous organisez le spectacle dans le cadre de... Bien, dans le cadre de notre dernier cours, parce que nous autres, on est dans le programme d'AGBAC en sciences comptables, okay. Donc il nous reste un cours au cégep. Donc ça, dans le fond, c'est notre dernier cours au cégep. C'est un programme, justement, de gestion de projet. Donc c'est notre projet, finalement. Faut en fait, que ça, vous bâtissiez un projet... le mettre à terme avec... Exactement, c'est ça. Puis vu qu'on a connu du succès la première fois, on s'est dit, bon, on va y aller avec ça encore une fois. C'est la meilleure manière de ramasser des fonds aussi. Bien sûr. C'est ça. Puis là, vous parlez, en fait, d'amasser des fonds. Ces fonds-là vont servir à quoi? Bien, c'est ça. Dans le fond, ça va nous permettre, nous autres, au DECBAC, de se rassembler pour fêter la fin de nos études. Puisque je vous dirais qu'on n'aura pas grand temps. La plupart vont aller en stage, puis après, ça va avoir les cours d'été. Donc, ça va vraiment nous permettre de nous rencontrer une bonne dernière fois pour fêter la fin du DEC. Faire la fête. Oui, exactement. Vous avez tout compris. C'est correct, ça. Et puis, c'est ça, en fait, là, tu termines cette année, en fait, ton DEC et ton BAC? Bac, on va le terminer l'année prochaine. OK. Cette année, dans le fond, on fait la portion BAC aussi. C'est juste qu'on termine la portion DEC. Donc, okay. Il va juste nous rester un an de BAC. Fini cégep. Exactement, fini cégep. À temps plein à l'université. Exact. Merveilleux. Donc, moi, je voulais juste vous dire aussi en passant qu'on a des billets en vente aussi à l'AGE au cégep de Trois-Rivières. C'est au comptoir des livres usagés à la porte. Puis aussi, on va en avoir à la porte le soir du spectacle. Ça, en fait, le comptoir est au pavillon des humanités. Exactement, okay. C'est ça. Pas très loin de la cafétéria, ça n'a pas changé en face du magasin. C'est exactement comme vous l'avez dit. Aussi, je vais vous laisser le numéro de téléphone. C'est le 819-693-4268. Ou bien encore que le 840-4350 au poste 5021. Donc, c'est une autre manière de vous procurer des billets si jamais vous désirez en avoir. On a aussi... Oui, attends un peu, on va répéter le numéro de téléphone là, juste pour être sûr. 819-693-4268. Ouais, si on peut appeler là. Ou sinon, le 819-840-4350. Ouais. Le poste... 5021. Je vais m'assurer de mettre les numéros de téléphone sur assemblagerequis.com pour ceux que ça intéresse. Ah, t'es fin, merci. Mathieu Plante est toujours fin, vous savez. Donc, merveilleux. Et puis, le coût des billets, c'est combien? Ben, le coût des billets, c'est 10$. OK, en pré-vente? Non, nous autres, on garde ça fixe. Okay. Pré-vente et puis aussi... Pas de niaisage. Bon, il n'y a pas de niaisage. Pas de privilège, personne. Ça va être 10$. C'est ça, puis ça. Oui, exactement, c'est ça. Puis, dans le fond, le spectacle, ça va être le 28 avril à 8h. OK. C'est ça. OK, parfait. Le jeudi 28 avril. Exactement. Merveilleux. À la fin de la session. Tout est parfait. Ben merci beaucoup, les gars. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? En finissant, c'est ça, on pourrait plugger aussi. Vous avez, je pense, créé un événement sur Facebook. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Merci. On a un événement sur Facebook, justement, qui s'appelle Spectacle d'humour de Serge Barry, Pile ou farce. Donc, Pile ou farce. Oui, Pile ou farce, exact. C'est bon. Fait que, dans le fond, vous pouvez venir visiter ça. Puis, il y a toutes les informations, dans le fond, qu'on a parlé aujourd'hui, bien, ils sont sur l'événement. Cool! Merci beaucoup, madame. Ben merci. Je vous souhaite une excellente journée, les gars. Merci. S'il y a d'autres choses, vous organisez d'autres choses, je n'y vais pas, on est toujours là. Parfait. Merci. Bye-bye. Bonne journée. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. On retourne en musique. On va aller entendre On a créé un monstre. Voici un extrait du palmarès francophone. Je pleure ou je ris.

Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Biobazar et A Drop of Green Dragon sur l'album Wells Vagina. Assemblage requis, c'est la fin de la première heure. Déjà. Oui, mais c'est... Incroyable. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, mais une chance qu'il en reste une autre. Ben oui. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On peut se consoler. Ouais, il en reste 20 quelques. Ouais. Avant la fin de la saison. 21. Donc, Émilie Gauthier s'en vient tantôt avec sa chronique Veux-tu sortir avec moi. Elle nous parle de plein de suggestions qu'elle a reçues de ses amis en termes de plein air. Un méli-mélo de joie extérieure. Oui. Ou un ragoût de boulette. Ou une poutine italienne. Non? J'ai faim, je pense. Et on a aussi la chronique littérature avec Marie-Pierre. Alors, reste avec nous. C'est dans la deuxième heure d'Assemblage requis. C'est fou. 84. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées en ce mardi. On est le 5 avril 2011. Moi, c'est François-Olivier. Moi, c'est Mathieu Plenty. Plenty of Matthews. Yeah. Dans quelques minutes, c'est la chronique plein air d'Émilie Gauthier. Mais avant ça, on écoute Chinatown. Voici Tant pis pour moi. Tu t'en vas comme ça, sur cette musique qui te va tellement bien. C'est l'amour, ce sourire détendu, à compter les étoiles quand nous serons ensemble, amoureux pour la vie. Amoureux pour la vie. Pourtant je te connais, mais sous tes survêtements d'intérieur, en coton comme autant des esclaves, celui que je veux être à partir de maintenant, aujourd'hui et demain, toujours et à jamais. Tant pis pour moi. Cette musique qui te va tellement bien. C'est l'amour, ce sourire interdit qui me hante les nuits. Où nous serons ensemble, amoureux pour la vie. Amoureux pour la vie. Tant pis pour moi. Surpeuplé, c'est l'amour, ce sourire défendu qui me cherche des poux dans le simple appareil d'une beauté sans pareille. Arraché au sommeil, tant pis pour moi. Jonathan, tant pis pour moi. Ça, c'est fou.